Pour plus d'informations sur la programmation, visitez cfou.ca. 89.1. Vous êtes assez fou. Le plan d'aujourd'hui est assemblage requis. Valérie Deschamps sera là pour discuter d'actualité, de politique et d'actualité politique dans sa chronique hebdomadaire. Et Tania fera le tour de ce qui s'est passé depuis les 7 derniers jours dans Sport et Flioché. Assemblage requis commence tout de suite. Assemblage requis pour toi, aujourd'hui. Assemblage requis pour toi, aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à l'Assemblage requis en ce lundi 7 novembre 2016, 171 jours de la fin de l'année scolaire. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Bourdin. Et vous êtes patientes, les filles. On accueille tout de suite, évidemment, Valérie Deschamps qui va chroniquer dans quelques instants. Salut. Bon matin. Vous êtes vraiment patientes, les filles. Je m'excuse d'avoir pris autant de temps avant d'arriver. Il n'y a pas de problème. Je pense que c'est le changement d'heure qui m'affecte. Ah, puis il fait froid, là. C'est normal que notre système soit. Exactement. Wow. Ouais, merci de spécifier que c'était mon système qui a de la misère à matin. Les non, il n'y a que toi qui viens de le spécifier. Les semaines passées, c'était Windows ou les ordinateurs. Ouais. Tu sais, notre corps est aussi un ordinateur. Oui, tout à fait. Ouais. C'est tout ce que vous avez à savoir ce matin. D'accord. Donc, commençons avec notre plan d'émission d'aujourd'hui. À 8h30, tu vas nous faire Sport et Filocher. Tania, collègue de sport, qu'est-ce qui s'en vient? Bien évidemment, on va faire le tour de ce qui s'est passé du côté des Patriotes de l'UQTR durant la dernière semaine, parce qu'on a eu beaucoup d'actions, et aussi du côté du sport local, voilà. Super, ça c'était à 8h30. Ensuite, à 9h, Jacinthe Allard va être là pour nous parler du speed dating de conseil d'administration. Ouais. Oui, c'est comme speed dating, mais vous allez vous matcher avec un CA. Ouais, c'est ça. C'est quand même le fun, donc c'est à 9h. Mais on débute l'émission avec Valérie Deschamps, qui est déjà avec nous. Salut Valérie encore. Hey, rebon matin. Rebon matin. On parle d'actualité, de politique. Comme on l'a dit en intro, toujours plein de sujets avec toi, c'est varié. Ben ce matin, j'ai décidé d'en prendre un seul. Seul qui est assez gros. Tu me fais mentir. Ouh, ouais, ça ouais. Commence mal. Ouais. C'est qui le boss? C'est trouve-moi l'autre chose. Ben rapidement, là, quand même, là, ce matin, je veux vous parler de démocratie et de journalistes espionnés. Ah oui! Oh, ouais, parce que la démocratie, ça touche automatiquement la politique. Mm-hmm. Même si les gens disent « Ah, pourquoi ça touche tant la politique? » Ben parce que l'état démocratique dans lequel on vit, c'est un peu le but, ouais. C'est un peu ça aussi. Ouais. Ben, pour vous rappeler les faits, en fait, c'est le SPVM, la Ville de Montréal, le service de police de la Ville de Montréal, qui a mis sous écoute différents journalistes, dont le chroniqueur de La Presse, Patrick Lagacé. C'est la juge de paix, Josée de Carufel, qui a dit oui, si je me rappelle bien, à 24 mandats d'écoute. Oui, parce qu'il faut le demander avant. Oui, bien, il faut le demander, mais dans le fond, je trouvais ça spécial. Mm-hmm. T'as 9 points pour autoriser un mandat. T'as 9 points à dire oui, OK, il y a ça, on peut mettre un mandat et tu peux écouter le journaliste en question. Et on parle vraiment de journaliste ou de média pour ces 9 points-là. La question qui est soulevée hier, entre autres, là, durant l'émission Tout le monde en parle, c'est quels sont ces points-là, lesquels ont été dit « oui, c'est vrai ». Est-ce qu'il y a eu des petits mensonges de la part de certains policiers pour justement pouvoir mettre sous écoute ce journaliste-là? Parce que lui, il dit « moi, j'ai rien fait de mal, là. Je veux dire, on me transmet des informations, je vais te donner des informations, je vais les livrer à la population. » Et c'est ça passe en ce moment. Les gens disent « Ah, c'est entrave au travail des policiers. » Mais attends, on va mettre quelque chose en contexte, là. S'il y a un policier qui vient de couler des informations, c'est pas toi le problème. C'est le policier, c'est la taupe, on va se le dire. Ouais. Et il est là le problème. C'est le policier Faisal Jalidi. Oui, ben oui. C'est plus un rappeur, je pense. Ouais, c'est ça. Puis c'est Jolie Dee. Jolie Face. C'est en fait vis-à-vis ce policier-là que M. Lagacé a été espionné. Je veux vous amener dans un certain angle, moi, ce matin là-dessus, parce qu'on parle de GPS aussi, tu sais, la puce GPS de son téléphone, on peut se faire retrouver facilement. Quand les gens disent « ouais, mais c'est un entrave au travail des policiers », remettons ça en question. On va regarder tout ça sous différents angles ce matin. Parce que, comme je vous ai dit, le problème, ce n'est pas le journaliste. Son travail, c'est d'informer la population, de sortir l'information, qu'elle vienne des instances gouvernementales, qu'elle vienne des institutions policières, qu'elle vienne de la population en général. Le travail de journaliste, vous le savez comme moi, c'est de sortir l'information. On s'entend, il n'a pas été dire que telle personne se cachait à telle place, OK? En voulant dire, tu sais, comme la police, c'est ça qu'ils vont faire pour attraper quelqu'un. C'est ça que je veux dire. Mais ils vont sortir l'information s'il y a une information qui peut être utile pour les gens. OK? Aussi, si jamais on continue de faire ça, d'écouter les journalistes, il n'y aura plus de source. Qui est-ce qui... Tu sais, mettons, quelqu'un là, qui a peur de se faire arrêter pour absolument rien. Mmh. OK? Mm-hmm. Mettons... Prenons un contexte qui est local. Bon, disons l'affaire Cédrica Provencher. La personne n'est pas impliquée dans ce qui s'est passé, mais a vu, a attendu certaines choses, veut dire « Hey, moi, j'ai vu ça », mais a peur de s'adresser à la police parce que la confiance envers les policiers, on va se le dire, est diminuée. Là. Ouais. OK? Puis c'est pas juste à cause de ça. C'est diminué depuis plusieurs années. Qu'est-ce qui va se passer avec cette source-là qui veut parler? Il va se la fermer. Il va pas parler. Ouais. C'est exactement ce qui s'est passé aussi du côté du scandale Les Commandiques avec Jacques Corriveau. Il y a eu une source, il en parlait justement hier à Tout le monde en parle, une source qui voulait parler, dire va t'en par là, pose ces questions-là, fais ci comme ça. Mais si ce journaliste-là en question qui recevait la personne, le témoin, comme on pourrait l'appeler, la source en fait, était sous écoute, cette source-là le très bien dit, je n'aurais jamais parlé. Mm-hmm. Il n'y aurait pas eu de scandale des commandites. Donc, c'est pas seulement au niveau judiciaire, là, c'est aussi au niveau gouvernemental, parce qu'il s'en passe des crosses, comme on dit. Mm-hmm. On va se le dire. Il y a des sources qui veulent parler, qui disent que ça n'a pas de bon sens, et c'est vrai que ça n'a aucun sens. Ce qu'on appelle des whistleblowers, ceux qui tirent la sonnette d'alarme. Oui, exactement. Puis c'est important. C'est important parce que, justement, on ne sait pas nécessairement ce qui se passe à l'Assemblée nationale, aussi du côté de la Chambre des communes, ou même ici, à l'Hôtel de Ville. Ouais. Tu sais, il y a des fois, on ne sait pas ce qui se passe à l'Hôtel de Ville. Il y a tellement de sujets en ce moment à Trois-Rivières, la fluoration de l'eau. Tu sais, ça, entre autres, pourquoi? Tu sais, s'il y a quelqu'un qui le sait et qui veut parler aux journalistes, mais dans l'anonymat, mais qui a peur de se faire pogner... Il dira rien. Fait que ça fait jamais vraiment avancer. Et quoi, c'est réfugié. Avancer les dossiers. Ouais. Et c'est justement quelque chose qui fait peur aux gens si les journalistes sont sous enquête. Je veux parler aussi de la juge de Carufel. C'est une juge de paix, en fait. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle émet des mandats pour justement être sous écoute ou, tu sais, va défoncer une porte ou, tu sais, des affaires de même. Ouais. Mais pourquoi elle a autorisé 24 fois. C'est beaucoup, hein. C'est énorme. On dirait qu'il a dit oui à tout le monde dans ce cas-là. Ben, c'est... Tu sais, pourquoi? Ouais. C'est quoi qui s'est passé? Est-ce que, comme je vous disais au début, il y a eu des mensonges des policiers? Est-ce que les policiers ont mis la vérité un peu plus belle? Est-ce qu'il y a des relations aussi qui sont peut-être... On sait pas, là, on spécule. Qui sont un peu plus intimes, peut-être, entre les policiers et les juges? Mais, tu sais, pas nécessairement... Mais tu sais, les relations intimes, là, tu sais, je veux dire, t'es ma chum, c'est un chum, c'est un chum. Là. Moi, j'aime bien cette phrase-là, un chum, c'est un chum. Pis... Dans mon livre à moi. Non, dans mon livre à moi, on le sait pas. Mm-hmm. C'est le genre de truc aussi qui pourrait être révélé grâce à des sources journalistiques dans l'anonymat. Qu'est-ce qui se passe? Les pouvoirs ne sont plus indépendants et c'est ce qu'on pourrait remarquer là-dedans. Du concubinage, du copinage, je pense qu'on appelle. Comme je vous parlais, c'est un test en 9 points qui a été regardé. C'est comme un quiz Facebook, hein? Pareil, c'est la même quel chose pour obtention d'un mandat, Mathieu. C'est ça. Pareil. Quel personnage du Roi Lion? Je sais pas. C'est selon la réponse, là, elle accepte le mandat ou non. C'est ça, ouais. C'est ça. C'est peut-être une hyène, là. Pis ouais, exactement. Ouais, oh, une lionne, la fausse lionne. Je vous ai parlé de Patrick Lagacé, mais on sait aussi qu'il y a d'autres journalistes qui ont été mis sous écoute ou qui ont été espionnés. On sait pas encore qui, hein, ça? On a plusieurs noms. Okay. Oui, on a le journaliste du bureau d'enquête, Journal de Montréal et de TVA, Félix Séguin, qui a été comme espionné. Séguin Gauze, aussi... comment on l'appelle? Je pense que je t'achète vraiment un petit mini drone. Oui, ce serait cœur. Ça fait longtemps qu'on en parle, personne ne le fait. Action, réaction, hein, les filles. C'est ça. Il y a aussi la reporter Monique Néron du 98.5 FM qui a été mise sous écoute. Il y a la Sûreté du Québec aussi, mm-hmm. qui aurait espionné d'autres journalistes du bureau d'enquête de Radio-Canada. On parle de Marie-Maud Denis, Isabelle Richer, Alain Gravel aussi, qui sont tous les trois de Radio-Canada. Des émissions d'enquête, ça a du sens. Et justement, bon, qu'est-ce qui s'est passé du côté de Val-d'Or avec les policiers de Val-d'Or? L'enquête qui est sortie il y a de cela quoi, une couple de mois déjà, comme quoi qu'il y avait de la maltraitance envers les Autochtones. Puis là, il y a une poursuite de la part des policiers. Moi, je sais pas, là, mais je regarde tout ça puis je me dis qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe puis c'est pas beau, là. C'est ça, c'est croche. C'est très, très, très... Ouais, c'est effectivement croche. Et c'est la Sûreté du Québec qui aurait mis sous écoute ou qui aurait espionné, là, on s'entend, le gars, on s'enfargera pas dans les fleurs du tapis, qui aurait mis leur nez là-dedans. Mm-hmm. Puis regardez les registres d'appels pour connaître qui c'est qui appelle qui, quand appelle qui et pourquoi. Et c'est ça qui est assez épeurant parce que, mettons, Mathieu, tu m'appelles. Puis là, on planifie rien. On n'est pas en train de planifier un plan pour faire, tomber le maire. C'est comme une jambette, mettons. Mm-hmm. Mais la personne, le corps de police va quand même avoir ton numéro de téléphone puis se rendre compte que tu m'appelles à plusieurs reprises. Il y a de quoi, là? Il va se demander pourquoi, mais ça, c'est la vie privée. Parce que leur téléphone cellulaire qui est mis sous écoute aussi. Dans le fond, là. Sous écoute, quand on parle de sous écoute, dans ces cas-là, c'est qu'on sait les numéros, les heures, etc. On n'entend pas la conversation de leur côté. Bien, pour eux, je pense que non. Non, c'est ça. Mais il y en a que sous écoute, c'est sous surveillance. Sous surveillance, disons ça. Mais est-ce que ça pourrait tout simplement être aussi à un certain point le fait que ta source peut être mauvaise? C'est vrai. T'sais, si la personne qui vient, qui communique avec le journaliste a justement quelque chose à se reprocher, puis ça fait, je sais pas moi, X années que, peu importe la SPVM ou la SQ, tente de mettre la main dessus, si cette source-là, toi, va te voir... Tu prends rendez-vous avec parce que justement tu veux ces informations. Automatiquement, tu sais que tu vas avoir un article de la mort ou une émission de la mort avec ça. Mais rechercher cette personne-là, tu sais, si c'est un criminel, tu sais, est-ce que ça peut être juste ça? Puis là, les gens voient pas nécessairement ça de ce côté-là. Ben, premièrement, on va parler de liberté de presse ici. Mm-hmm. C'est brimer la liberté de presse faire ça. Que la source soit bonne ou mauvaise, une bonne ou mauvaise personne. Mais je vais te mettre un autre... Claude Poirier. Mm-hmm. Claude Poirier, dans le temps, il y a eu plusieurs criminels qui lui ont parlé. Puis encore aujourd'hui, les journalistes, les chroniqueurs ont des appels de criminels, OK? Mm-hmm. Mais ces criminels-là peuvent faire avancer beaucoup de choses. Mm-hmm. Et ce n'est pas en mettant le journaliste sous écoute ou regarder son registre d'appels que tu vas le trouver. Fais ta job et trouve-les. Ça devient dangereux si, après ça, ils peuvent aller arrêter la personne qui a appelé Claude Poirier, parce que là, Claude Poirier ne recevra plus jamais d'appel et ne pourra pas faire avancer les causes. Sa vie aussi peut être en danger. Sa famille pourrait se faire tuer. Exactement. Parce que le criminel a été dévoilé. Et voilà. Ouais. Et voilà. Ouais, mais tu parles pas, mais pourtant, comment c'est qu'il est venu me trouver? Ouais. Moi, je te fais plus confiance, puis les autres non plus. Ça peut devenir dangereux. C'est une petite chose qui a beaucoup de répercussions sur bien des choses. Exactement. Ouais. Exactement. C'est justement ça le problème. C'est que ce n'est pas une seule personne. Oui, il y a des criminels qui appellent les journalistes, qui appellent les chroniqueurs, qui veulent leur parler pour leur dire quelque chose ou pour leur dire, gars, mon chef se trouve à telle place, il se passe telle affaire, mais faut pas que ça se sache que c'est moi qui te le dis. Ce criminel-là, cette personne-là peut être en danger. Sa famille, ses proches, mais également, comme tu disais, le chroniqueur. Et c'est là aussi le problème. C'est que comme ça, on brime la liberté de presse. C'est que si tu le fais, même si c'est juste quelqu'un qui veut faire une jambette au maire ou lancer une tarte au citron en face de quelqu'un versus un gros crime organisé, mafia, peu importe, les deux sont peut-être à l'opposé l'un de l'autre, mais c'est la même chose en tant que tel. C'est ça. Puis, dans les cas où précis comme Patrick Lagacé, c'est une taupe du SPVM. Mmh. Donc, c'est le but de regarder ce registre d'appel et de savoir qu'est-ce qui se passe dans sa vie, dans son lit et dans sa maison. C'est qui est la taupe? On veut la faire taire pour pas qu'on scrape notre image. Mmh. C'est littéralement ça. Ouais. Fait que c'est aussi de camoufler au SPVM des petites grosses. C'est aussi ça. Et il est là le problème, c'est en... Ils vont premièrement brimer cette personne-là, ils vont dire « T'avais pas à faire ça, c'est vrai, blablabla, blablabla. » Puis ils vont le réprimander de façon assez sévère, là. Parce que c'est l'image de SPVM. Puis l'image de SPVM, on sait que depuis quelques années, est douteuse. On va se le dire, là, depuis 2012 surtout, là, ça a pas bien été. Bon, le SPVM étant le SPVM. On va y aller du côté un peu plus politique parce qu'il y a eu des réactions sur la scène politique du côté de l'Assemblée nationale. Du côté du Parti libéral, sont sous le choc. Parti québécois, tout le monde est sous le choc à l'Assemblée nationale, surtout lorsqu'on apprend que la SQ a aussi fait ça. Donc, vu ces allégations-là, il y a l'avocat Christian Leblanc, c'est le président sortant de l'Association des avocats en droit des médias au Canada, qui va représenter les médias lors d'une commission d'enquête sur l'espionnage de journalistes par la police. Ça a été déclenché jeudi, c'est Philippe Couillard qui a annoncé le tout. Et c'est vraiment là, les 13 médias, dont La Presse, Radio-Canada, Le Devoir et Québécois, qui se sont mis ensemble et ont dit « c'est lui qui va nous représenter ». Il va avoir quelqu'un de la police, quelqu'un des médias, mais également quelqu'un du côté juridique. Okay. Tout va être représenté pour justement faire la lumière sur ces allégations-là. Du côté fédéral, il y a Justin Trudeau aussi qui a réagi. Et lui, il dit « aucun journaliste n'est épié par la GRC ou le SCRS ». J'essaie de me rappeler c'est quoi, moi pour les acronymes, c'est, j'ai pas de la misère. La Sécurité canadienne... Service canadien du renseignement de sécurité. Exactement. Ah, moi, c'est les acronymes. C'est à une seconde de l'avoir. Boum! Donc, lui aussi qui dit qu'aucun journaliste n'est épié par le GRC et le SCRS. À ce qu'il sache. Bien, c'est ça. Maintenant. Il semblerait-il qu'il est allé poser la question, justement, okay, à ces deux institutions gouvernementales-là. Ben non, c'est pas ça. Bien, c'est ça. Puis c'est aussi ça que Thomas Mulcair du NPD avance, dit... Écoute, de toute façon, il dit pas qu'aucun journaliste n'était puis est regardé et mis sous écoute. Et c'est pas clair, son affaire. Et ça, ils ont pas été espionnés par la GRC ou le SCRS. Il y a peut-être un sous-service... une société à numéro d'écoute de surveillance. Oui, parce que justement, ben, je vous l'amène là-dessus parce que moi, ça, c'est un sujet qui me... par la bande, qui me fait capoter un peu. Le projet de loi C-51, ça vous dit quelque chose? C-51? Ah, tout un chiffre et une lettre, là, non. C'est lequel, celle-là? C'est celui... je me semble que c'est ça, son appellation. C'est celui qui pourrait... Tu pourrais être... Mettons, t'es soupçonné de terrorisme. OK. Mais ben, il va te mettre sous écoute. Mais n'importe qui... Ouais. Peut être soupçonné de terrorisme. Ouais. Quelqu'un qui est contre le pipeline, par exemple, ouais, qui va militer contre le pipeline, pourrait être soupçonné de terrorisme. Et le profilage racial, aussi, quelqu'un a une grosse barbe. Et voilà. Mais ça, là, nos chers amis journalistes, là, n'en ont pas parlé tant que ça. Non. Pas tant que ça. C'est la liberté individuelle. La liberté de presse, je suis totalement pour. Ouais. Je pense que vous aussi, étant des membres des médias, on veut la liberté de presse, on veut protéger les sources pour qu'on puisse continuer de leur parler. Mais en tant que personne, en tant qu'individu, notre liberté à nous... Parce que, tu sais, moi, mettons, là, je pourrais être sous écoute parce que je suis indépendantiste, OK? Ça s'est déjà vu par le passé, OK? Dans les années Pas vrai? Ben, en 70... Pas pour toi? Non, pas pour moi. Mais dans les années 70, c'est arrivé avec la crise d'octobre, on en a mis en dedans parce qu'il parlait d'indépendance, OK? On sait pas, tu sais, je spécule. Je pourrais être sous écoute. J'ai des amis qui pourraient être sous écoute. Nous, on travaille depuis très longtemps pour être sous écoute. Toum, toum. Ouais. C'était très raté, ça. C'était parfait. C'était beau. J'aurais dû laisser t'aller. Ça prendrait une caméra ici. Hey, tu te parles de ça. On a une caméra. On a une. En Chine. Bien populaire en Chine. Donc oui, la liberté individuelle. Les journalistes n'en parlent pas vraiment. Ou on parle, mettons, du projet de loi 78. Peut-être qu'ils tirent le sujet sur plusieurs semaines parce que c'est un sujet qui va être dans l'actualité pendant très longtemps. Peut-être qu'ils vont finir par s'y rendre. Oui, mais il y en... C'est un sujet qui est un peu mort aussi. Ouais. T'sais, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. C-51, ça date de Harper, donc c'est minimum un an. La loi 78, si je me rappelle bien aussi, ça vous dit quelque chose. Les B-52 aussi, la chanson des pierres à feu. Ce qui encadrait très fermement et les manifestations. Oui. C'est ça. Mais c'est un principe de liberté dans notre démocratie, d'avoir le droit de manifester. Mais ça, les journalistes n'ont jamais été vraiment profondément là-dedans. Il y en a quelques-uns, évidemment. Je généralise pour simplifier la chose. Mais on n'entend pas beaucoup les journalistes parler de liberté individuelle. Liberté de presse, et je suis fine, je suis d'accord. Mais qu'est-ce qu'on fait de la liberté individuelle? Pourtant, on a beaucoup parlé lors de la... Mais est-ce que quand t'es, par exemple, journaliste pour, mettons, justement, le Journal de Montréal ou peu importe, tu peux vraiment parler de liberté individuelle dans le cadre de ton travail? Il est là, le problème. Parce que c'est très drôle parce que je suis en train de travailler là-dessus en ce moment, de voir justement que maintenant, les médias ne sont plus là pour rapporter et expliquer la nouvelle, mais que les médias sont là pour convaincre de la nouvelle, ouais. Fait qu'on passe à côté de ce genre d'arguments-là. On a plus des commentateurs que des analystes. Oui, littéralement. Ouais. Oui, les journalistes aujourd'hui, là, c'est plus des journalistes. Là. Puis je vais me faire... Il y en a que oui, il y en a qui sont très bons. J'ai des amis qui sont excellents, mais maintenant, ce n'est plus des journalistes, ce sont des chroniqueurs. Ouais. Et il est là le danger. Comme tu dis, c'est vrai. Qu'il y a une opinion. Automatiquement, il y a une opinion dans oui, tout. Oui, c'est ça. Puis c'est l'opinion de ta boîte qui va ressortir. Avant, c'était vraiment plus neutre que ça. Le journaliste. Ben dire que c'était plus neutre, c'était différent, ouais. OK? Parce que c'était très différent, le capitalisme qui était là, mais qui était peut-être un peu moins présent, le sensationnalisme aussi, qui était beaucoup... Tu sais, il y a tout ça qui vient en ligne de compte. Le choix de sujet aussi, on dit souvent, la liberté commence par le choix des sujets qui sont couverts. Ouais. Même si l'arnaque ouais. à la télé, t'as quand même choisi d'en parler ou de pas en parler. Oui, c'est ça, au bout de la... Mais encore là, des fois, t'es obligé d'en parler parce ouais. que t'as ton chef en haut qui dit d'en parler. Mmh. Ça, c'est arrivé à une de mes amies récemment qui a dû parler d'une nouvelle. Elle a fait, mais c'est pas une nouvelle. Ouais. Pourquoi je parlerais de ça? C'est pas une nouvelle. Puis elle a parce dû le faire. Je te chigne ton ouais, chien. Exactement. Et c'est ça qui est dommage aussi parce que... Dans les médias, la liberté, la démocratie, c'est important, mais c'est aussi important dans notre vie de tous les jours, de pouvoir s'exprimer librement, de pouvoir respectueusement aussi, parce que je pense qu'il y a une notion de respect quand même dans les démocraties. C'est pas parce que t'as pas la même idée que moi que t'es un maudit câble. Ouais. Mm-hmm. Tu sais, comme Safia Nolin a dit, des crises de grosses connes. Ouais. Mais c'est aussi un principe individuel et les médias auraient dû en parler davantage, mais n'en ont pas parlé pourquoi lors, par exemple, de la grève étudiante en 2012 du projet de loi 78, qui n'en ont pas tant parlé que ça. C'est parce que la majorité des médias étaient du côté du gouvernement. Mmh. Et ça teintait l'opinion publique, et ci et ça, et on pourrait en parler longtemps. Mais les médias n'en ont pas parlé, n'ont presque pas parlé du projet de loi C-51. Ça n'a pas fait de scandale, là. Il n'y a pas eu de scandale en voulant dire « Hey, on prête écouter pour aucune raison, ou presque. » Mais ça fait un scandale. Je suis contente qu'on en parle. Mais des fois, je trouve que c'est deux poids, deux mesures. Mm-hmm. Puis ça, c'est un gros problème. C'est un grave problème, parce que la démocratie, c'est oui, les médias, mais c'est également la liberté individuelle. Mm-hmm. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec ça, voir que si la commission d'enquête, qu'est-ce qui va sortir de cette commission d'enquête-là aussi. Est-ce qu'on va avoir des têtes qui vont tomber au SPVM, la Sûreté du Québec? Parce que là, le chef, il y a plusieurs personnes qui ont remis en doute son leadership. Est-ce qu'il y a vraiment à faire là? Ça risque d'être assez spécial dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, puis ça va être public. Philippe Couillard dit que cette commission d'enquête-là sera publique. C'est un peu normal qu'elle soit publique. Mais si ouais, elle ne ça. L'était pas, je trouverais ça un peu louche. Mais ouais, ce sera public. On a hâte de voir quand ça va partir puis qui seront là. C'est énorme tout ça, c'est gros. Ouais. Vive la démocratie. Sommes-nous dans une démocratie ou un État policier lorsqu'on regarde ça? Oh! Il est lundi, c'est lundi matin, 8h08. Ça nous force Let's à go. Penser. c'est ça. Méchant gros sujet. Donc, merci de nous en avoir parlé comme ça. Jean-Valérie, tu l'as apporté de façon complètement différente de Sébastien Vigartin la semaine passée. Donc, je pense qu'on est capable d'avoir des sujets qui sont similaires, mais apportés différemment. Ah, je l'aime bien, Sébastien. Elle l'aime bien. Sébastien, qui est mercredi à la même heure. Donc, toi, c'est lundi prochain qu'on te retrouve à 7h30. Exactement. Pour ta chronique qui n'a pas encore de nom. J'ai pensé à la déchante du coude. Hey, on me l'avait jamais fait, celle-là. J'essaie d'y aller avec une petite twist, là. Hey, des champs de fraises quand j'étais jeune. Ouais, je vais ben oui, mais tu sais, j'avais quand même un peu d'acné. Ah, d'acné. Fait que là, des champs de fraises, on me l'a dit souvent. Ou Valdèche, ça, c'est mon autre surnom. Ah, je ah, peux ouais. aller vraiment Yark. Plus loin. La clé des champs, sûrement, c'est trop facile. Oh, on me l'a jamais fait, celle-là, non plus. Non, les c'est gens, ils sont pas originaux. Ouais. Mais à des champs du coude, je trouve ça écœurant. Bon, je me ferai. Merci, Valérie Deschamps. Bonne journée, bonne journée. toujours à Sondage Requis. Maintenant, on continue. Tiens, tant qu'à avoir, tant qu'à s'être fait suivre sur écoute comme ça, peut-être qu'un jour, on va tous savoir où les gens sont en temps réel, tout le monde. Fait que ça va être chacun de nos pas qui va être espionné par les passagers dans son logique. 89 FM. passagers, la pièce chacun de nos pas. Au retour de la pause, c'est ta chronique à toi, Aspari Filioshik. Aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89 Vous êtes à Assemblage Rocky en ce lundi 7 novembre 2016, Tania Bonin. Et Mathieu Pong. Plus tard dans l'émission, on a plein d'autres choses pour vous. On va parler avec Jacinthe Allard du speed dating de conseil d'administration. Ça s'en vient plus tard. On va aussi avoir son foutu palmarès parce que le mois de novembre commence et on a des fêtes à célébrer, donc on va faire ça plus tard. Mais avant, commençons par les choses importantes. C'est-à-dire? Les sports. Ouh. Voici Sport et Filoché. Avant même de commencer ma chronique ce matin, j'aimerais prendre un petit 5 secondes pour tout simplement saluer une des personnes qui travaille ici à l'UQTR que j'ai rencontrée en fin de semaine, c'est-à-dire Annick. Je sais qu'elle travaille dans les bureaux, c'est tout ce que je sais. En fait, j'ai rencontré son compagnon. Et puis, il me disait justement que Annick nous écoute à tous les matins. Ah. Elle aime beaucoup l'émission. Alors, salutations à toi, Annick. Salut. Dans ton bureau ce Merci, matin. Merci, Annick. Voilà. il s'est passé beaucoup de choses durant la dernière semaine du côté des Patriotes de l'UQTR. On sait, certains mettent fin à leur saison, d'autres commencent la saison, que ce soit du côté du volleyball, du cross-country ou encore du soccer. Tu sais, ça bouge beaucoup pour les Patriotes de l'UQTR. Et les Patriotes au volleyball ont débuté leur saison en force. On a aucune faute durant le championnat qui a eu lieu cette fin de semaine, le tournoi qui avait lieu à Chicoutimi. Alors, on a joué trois matchs, un contre l'UQAC. L'UQAC, qui, je crois, est l'Université du Québec à Chicoutimi. L'ETS et aussi l'UQAR. Donc, trois matchs, 9-7, aucune défaite. On ne pouvait pas demander mieux pour un début de saison pour l'équipe féminine de volleyball des Patriotes. Alors, on commence ça en force. On a hâte de voir jusqu'où ça va les mener. Mais jusqu'à présent, tout se passe bien. Donc, félicitations à l'équipe de volleyball. Du côté du hockey, la semaine dernière, je pense que c'est jeudi matin, justement, que j'avais fait un bref retour sur la défaite des Patriotes face aux Redmen de McGill. Ça avait terminé 6-5. Le coach des Patriotes avait justement dit que la défense avait peut-être besoin d'un petit peu plus de renfort cette année pour le début de saison. Ça fait quelques fois qu'on parle justement de la défense des Patriotes cette année. Eh bien là, on a remis ça en fin de semaine, samedi, et les Patriotes l'ont emporté sur le Nipissing University Lakers par la marque de 7-2. Donc, on voit que quand on a quand même une défaite, les Patriotes sont capables de se remettre sur pied assez rapidement. On parle de 2 buts de Giroux, deux buts de Poudrier, Lefebvre, Delisle et Saint-Hilaire, qui sont les marqueurs du match. Le prochain rendez-vous, sachez-le, va être simplement le 18 novembre. Donc, si on regarde ça, ça devrait être la semaine prochaine, pas cette semaine. Vendredi suivant. Exactement, donc vendredi prochain, ici même au Colisée de Trois-Rivières, contre les Golden Gales de l'Université Queens. Et ça va se faire à 19h. Parlant de hockey, parlant de nos Patriotes hockey, en début de saison, on avait quelque chose manquant un petit peu de notre côté, c'est-à-dire Patriotes.tv. Ouais. Eh bien, sachez que c'est de retour. Si jamais vous ne pouvez pas être présent pour un des matchs qui est à domicile, eh bien, c'est Émilie Savard et Benjamin Had qui sont maintenant à la description. On a une nouvelle équipe pour Patriotes.tv. Très beau travail jusqu'à présent. Alors, on leur souhaite la meilleure des chances pour cette saison. Et on est très, très contents aussi de retrouver justement Patriotes.tv. On avait perdu notre ancienne équipe tout simplement parce que c'est universitaire. Ça change. Il y a des changements. Exactement. Et là, ils sont de retour. Alors, salutations à vous deux qui êtes à la description des matchs des Patriotes. Et bonne saison. Voilà, patriotes.tv, c'est le nom du site web, donc allez-y comme si, ça. Oui, c'est merveilleux. Si jamais vous ne pouvez pas être présent, vous pouvez aller écouter le match au c'est complet. C'est pas pour les matchs que vous avez manqué depuis le début de la saison. Oui. Il faudrait qu'ils se rattrapent et qu'ils refassent. Ouais, non, ça serait assez difficile. Ouais. Je suis désolée. Du côté du soccer, vendredi soir, les Patriotes ont accédé à la finale universitaire du championnat RSEQ. Après avoir vaincu le Rouge et Or de Laval par la marque de 2-0, la recrue de l'année, Yanis Zoraï, et l'avant, Guy Alain Faye, sont les deux marqueurs du match. La finale du championnat se déroulait hier. Par contre, beau match vendredi. Mathieu, tu étais là. Ça a été serré pendant un très bon moment. Belle complicité au sein de l'équipe masculine. Je pense qu'on n'aurait pas pu demander mieux comme demi-finale. Là, on était un petit peu sur les nerfs, savoir si la finale allait se passer du côté de Trois-Rivières ou encore du côté de Montréal. Ça dépendait du gagnant de l'autre demi-finale. Exactement. De la façon que ça s'est passé, c'est que les Patriotes de l'UQTR étaient au deuxième rang et l'Université du Québec à Montréal, c'est-à-dire les Citadins de l'UQAM, étaient au premier rang. Du côté de Montréal, ça se jouait entre l'UQAM et l'UDM. Et ici, à Trois-Rivières, c'était Trois-Rivières contre Laval, justement. Et le match qui allait déterminer le tout, c'était le match contre l'UQAM et l'UDM. Si l'UDM gagnait, eh bien la finale était ici à Trois-Rivières. Mais c'est l'UQAM qui a gagné, donc ça s'est fait du côté de Montréal hier, aux côtés du stade Saputo. Et malheureusement, Mathieu, les Patriotes se sont inclinés 2-1 devant les Citadins de l'UQAM en finale du championnat. Très beau match. Par exemple, j'ai réussi à voir quelques clips sur Internet parce qu'il y avait des gens qui étaient présents, donc on envoyait des vidéos bien souvent. Félicitations à tous les membres de la formation, bien évidemment, de l'équipe de soccer des Patriotes. Il y en a plusieurs qui quittent cette année parce que, encore une fois, roulement, changement de joueur, fin d'université pour plusieurs. Alors, on perd une très grande partie de l'équipe présente, les piliers, entre autres le capitaine jusqu'à présent, Louis-Thomas Fortier. Eh bien, c'était sa dernière saison. Alors, de ce côté-là, on va devoir tout simplement justement avoir un réajustement l'année prochaine. Mais on espère quand même qu'on va pouvoir garder ce fil d'aller-là. Ça va super bien. Ça a super bien été pour les Patriotes soccer depuis quelques temps. Alors, on leur souhaite la meilleure des chances pour les prochaines saisons. Ça devrait recommencer intérieur en janvier. Donc, regardez ça sur Internet si jamais il y a quoi que ce soit. Avec les nouvelles équipes déjà. Là. Oui, exactement. Ah ouais, ça va vite. Il y en a qui vont participer intérieur. Il y en a d'autres qui participeront pas. Ça va changer un petit peu. Mais faites les recherches si jamais vous voulez être au premier match. Ça devrait jouer dans la première ou deuxième semaine de janvier, si je me souviens bien. Au CAPS? C'est pas ici au CAPS. Je crois que l'endroit est encore à déterminer. Ah, ouais. L'année dernière, on jouait du côté du centre sportif Alphonse Desjardins à cause que les terrains de soccer intérieurs sont déjà faits. Tandis qu'ici, c'est un petit peu plus... C'est un gymnase. C'est différent. Je parlais tantôt du capitaine Louis-Thomas Fortier, justement de la formation des Patriotes de l'UQTR. Eh bien, il est le joueur par excellence du RSEQ, donc du réseau des sports étudiants. Exactement, merci. C'est ses performances qui ont été remarquées par le réseau du sport. Il a été nommé le joueur par excellence du circuit du soccer universitaire jeudi. C'est un exploit qui est plus souvent qu'autrement réservé aux joueurs offensifs, honnêtement. Et Louis-Thomas Fortier, c'est un joueur défensif. Il a 3 buts en 12 matchs et Fortier a permis aux Patriotes de conclure la saison au deuxième rang du classement. Il est très content. Il l'avait vraiment pas vu venir, apparemment. Il a connu une très belle saison en général et l'équipe aussi. Il disait justement lui-même que c'est sa dernière saison et après beaucoup d'années, bien, ça fait justement plaisir de voir que le travail qu'on a mis a été récompensé et surtout qu'il était toujours parmi les meilleurs joueurs à chaque année. Et c'était un honneur de recevoir ce titre-là. Ça fait chaud au cœur. Il est étudiant en éducation physique, alors Fortier espère pouvoir se joindre au circuit semi-professionnel au Québec au terme de ses études. Et il rend hommage, bien évidemment, à ses coéquipiers. Les grands responsables de ses succès individuels à son avis, c'est-à-dire le reste de l'équipe et plusieurs autres joueurs qui eux aussi vont quitter, qui ont été nommés aussi vendredi joueurs par excellence du réseau des sports universitaires du Québec. Il y en a quelques-uns, par exemple, recrue de l'année, Yannis Zoraï, excellent joueur. Même chose pour Bilal Xier, Guillaume Comtois-Noël, qui lui aussi s'est vu remettre un prix dans les joueurs étoiles du réseau des sports. Alors, félicitations à vous tous. Bravo. Voilà. Du côté des sports locaux, Mathieu, on va tout de suite sauter à ton équipe préférée. Le Constipation Calfeutré! Yes! Je l'ai eu, là, ce coup-là. Hein? J'ai eu, hein? Oui, tu l'as eu. Hey. Écoute, on est encore premier au classement de la Ligue d'hockey senior A de la Mauricie. On prend de l'avance en plus en première position, donc ça se passe bien de ce côté-là. Hier soir, c'était ça se passait du côté de Cap-de-Madeleine, donc à domicile pour l'équipe. Victoire 8-5 en après-midi contre Lac Mégantic. Entre autres, mention spéciale à Michael Langlois, qui est un ancien patriote de l'UQTR, qui joue maintenant pour la climatisation Cloutier, voilà. Tu m'as menti tantôt, je ne l'avais pas eu pour vrai. Non, je suis désolée. Il a eu 3 buts, 2 passes durant le match hier sur une victoire de 8-5. Il a été aussi le joueur du match RDS, petite mention spéciale à l'équipe qui fait ça à chaque game. Il joue ça à RDS, pas vrai? Non. C'est quoi le rapport? Mais c'est le petit chapeau RDS dans le temps. Non, tu te souviens pas non. De ça? OK. C'est pas grave. Donc, climatisation Cloutier du Quai de la Madeleine qui a eu raison de Lac Mégantic au pointage de 8-5, comme je le disais. Entre autres, grâce aux 3 buts et les mentions d'aide de Michael Langlois, mais aussi Julien Gagné qui a réussi un doublé et Olivier Tardif, Steven Mercier et Joël Coulombe qui ont tous mis la main à la pâte pour justement faire en sorte que le pointage final allait être aussi élevé. Et la réplique des Méganticois est venue de Joey Baudouin avec un doublé et Louis-Charles Allé, Marc-André Levasseur et Philippe Bolduc ont été les marqueurs du côté du tunnel de Lac Mégantic. Le gardien de Mégantic, qui est Pierre-Luc Bouchard, a reçu 55 lancés pendant tout le match contre 27 de Vincent Gervais du côté du climatisation Cloutier. Alors, gros match, 55 tirs, c'est quelque chose. On laisse passer juste 8, là, c'est pas super. Ouais, moi, je pense que je les aurais toutes laissées passer, moi. Ils sont tous dans l'âge d'or, ceux-là, Lac Mégantic, parce qu'ils sont vieux, Mégantic, ils sont pas Még contemporains. Oh, ouais. Tu vois? Non. J'y avais pas pensé. Vraiment pas. mais bon. C'est l'aréna était pleine, Mathieu, encore une fois. C'est une équipe qui amène du monde. Les gens aiment aller les regarder. L'ambiance est le fun quand tu rentres dans l'aréna. Alors, de ce côté-là, félicitations. Ouais. Voilà. Et c'est ce qui rappait un peu sport réfléchi ce matin. Caroline, on a vite fait bien fait. Ouais. Pas grand-chose en sport, cette semaine, faut pas. Ben non, c'est ça. Ça a beaucoup bougé. Ça a été un petit peu partout. Mais écoute, quand ça se passe bien comme ça. C'est vite résumé. Bravo à tous. Voilà. Que du positif cette semaine dans ta chronique. Oui. Merci, Tania. On fait Sport et Filoché les lundis matins à l'émission. Dans quelques instants, pour la prochaine demi-heure, on va se faire du son fou du palmarès. Oh. On aura du plaisir à célébrer les anniversaires et les festivals et les choses à célébrer pendant le mois de novembre. Mais avant ça, en musique, on s'en va entendre une pièce du palmarès. J'ai envie d'aller du côté francophone parce qu'on est allé tantôt en anglophone. Donc, on va y aller avec pas de casque. Pourquoi pas? Ouais. Ouais, parce que du sport, tu sais. Tu l'as dit, casse de RDS tantôt? Souvent. C'est quoi le casse de RDS? J'ai rien compris là-dessus. C'était juste. Non, je te raconte. C'est ça. Loup-garou. Ben, à son âge, oui. Loup-garou. Sans pleine lune. Coureur sans son départ. Versant son comptoir le soir de semaine. Oh, le diable en quarantaine. Je viens à toi. Connaîtras-tu? Je gagne à être perdu de temps en temps. Oh, sans camouflage lentement, je viens. affamé par l'odeur de ma mémoire. Oh, oh, attiré par ton territoire. Casque loup-garou dans sa blanche Ricky. Une pièce qu'on n'aime pas particulièrement, mais qui avait un mot casque dedans. Ouais, c'est ça. Hein? C'est juste pour ça, t'as pris ça. Oui, c'est vraiment juste pour ça, littéralement. Au retour de la pause, son foutu palmarès à Assemblage Ricky. Assemblage Ricky pour toi, aujourd'hui. Ce lundi 7 novembre 2016, c'est Tania Baudin. Et Mathieu Blanc. Oui. Et maintenant, c'est le moment d'établir une liste sur un sujet plus ou moins précis. Ah ouais? Ouais. Comme dans un palmarès, maintenant? Genre, mais comme genre, va te faire foutre, là, puis il fait une liste, là, genre, tu sais, comme son foutu palmarès. Ah, Foutu palmarès, c'est la chronique dans laquelle on établit, comme je disais, une liste sur un sujet plus ou moins précis. Cette semaine, on a le temps pour faire pas mal de choses dans cette chronique-là. Commençons par le palmarès classique de début de mois. C'est la liste des fêtes bizarres qu'on peut célébrer au mois de novembre. On aime ça, cette chronique-là. Oui, vraiment. Donc, on approche des fêtes, mais il y a plein de fêtes un petit peu plus obscures à célébrer, comme le 3 novembre. Ça, vous avez peut-être entendu parler de la journée du sandwich. Ah non, je savais pas. Il y avait Subway, entre autres, qui donnait un sandwich gratuit quand on achetait un pour cette fête-là. John Montagu, le 4e Earl of Sandwich, qui est né autour de cette date-là. Donc, ça pourrait être le 13 novembre, ça pourrait être le 3 novembre, en 1718. Donc, on célèbre et on mange pendant tout le mois. Le 6 novembre, hier, c'était la journée du saxophone. Ooh. Oui, seulement un solo super épique de sax pourrait rendre hommage à cet instrument de jazz, Adolphe Sax, qui est né ce jour-là en 1814. Aussi le 6 novembre, la journée zéro tâche. Ah, ça c'est le fun. Ouais, c'est le temps de faire comme l'horloge, donc fall back. Tu sais, en anglais, je t'ai dit que le truc pour retenir quelle heure est avancée, quelle heure est reculée. Oui. Donc c'est spring forward, fall back. Fall back comme dans tomber par en arrière, puis spring forward comme dans sauter par en avant pour le printemps. Bref, c'est le moment de reculer et de s'effoirer dans le divan parce qu'on a une heure de plus à cause de l'heure avancée qui devient l'heure normale. C'est ça. Ensuite, le 15, c'est bien ça? Oui. Oui, c'est ça. 15 novembre, c'est la journée de George Spelvin. OK. OK. Donc, George et Georgina, ou encore Georgette Spelvin, ne sont pas de vrais gens. Ces noms-là sont des pseudonymes traditionnels utilisés au théâtre lorsqu'un acteur ne veut pas être identifié, ou encore qu'il joue différents rôles, les rôles multiples dans une pièce, ou qu'il ne veut pas recevoir le crédit pour d'autres raisons, peu importe laquelle. Donc, c'est George, ou encore au féminin, Georgina ou Georgette Spelvin. Ah, oh, ouais. Voilà. Ensuite, c'est un peu comme au cinéma, là. C'est quoi le nom du réalisateur fictif, là? Je sais pas. Fictitious Director Movie. Alan Smithy. Oh, OK. Qui est un nom, des fois, qu'on utilise un pseudonyme pour les réalisateurs de films qui ne veulent pas avoir le crédit pour un projet. Il s'appelle Alan Smithy. Voilà. Oh. Ensuite, 17 novembre, c'est la journée du pain fait maison. Ouh, miam. Miam, miam, miam, rien à dire de plus. On fait du pain maison, c'est bien fun. Ensuite, le 17 novembre, c'est la journée nationale d'enlever quelqu'un de ses amis. OK. Ça s'appelle Unfriend. Ouais. Préparez votre doigt et préparez-vous à dire sayonara à de vieilles personnes que vous, avec qui vous n'entrez pas nécessairement en contact très, très souvent. Des gens dont vous vous souvenez même pas d'avoir ajouté leur compte sur le vôtre. Mmh. Ça m'est arrivé plein de fois. J'ai dit oui à des demandes d'amitié et je me souviens plus c'est qui. À un moment donné, je fais le gros ménage. C'est pour ça qu'on a le 17 novembre. Ce qui est énervant aussi un petit peu, là. Ouais. C'est, mettons, quelqu'un qui t'ajoute, mm-hmm. là, tu le connais pas. Ouais. Donc, tu refuses la demande. Ouais. Il te redemande. Uh-huh. Là, tu le ré-refuses. Mais là, tu finis par bloquer. Mais il te le redemande. Tu bloques à la quoi? Tu bloques à la troisième fois? Oui. Troisième fois. La règle des trois dans la vie. Hein? Ou j'envoie un message. Va liker ma page. Oui, au moins, ça te fait un petit quelque chose de plus pour exactement. Toi. Exactement. 19 novembre, c'est la journée d'Alas Catalo. Alas Catalo. OK. Hein? C'est un... ouais, OK. C'est un animal. OK. Un peu... Ça ressemble à un ours grizzly, OK? Ouais. Mais il n'existe pas vraiment. C'est un hybride entre... Non, ça ressemble pas à un ours... Excuse-moi, ça ressemble pas à un ours grizzly. Ça ressemble... Moo, c'est un orignal. Oui. Walrus, c'est le avec les dents, le... Le morse. Oui. Voilà. Donc, c'est un mélange entre un orignal et un morse. C'est un hybride qui est une bête mythique... Et qui est un peu la mascotte non officielle de l'État de l'Alaska, qui est l'État le plus au nord des États-Unis. Voilà. Je savais même pas ça. Ouais. 19 novembre, la journée internationale des jeux. Oh! Mm-hmm. Cette fête, donc, est une question d'aller à votre bibliothèque locale et de participer à des jeux, des puzzles, louer des jeux de société, des trucs comme ça. Donc, une opportunité de s'amuser dans une bibliothèque, c'est ce qu'on fait. Donc, dans une bibliothèque, puis on joue. Cool. Le 25 novembre, c'est la journée nationale de la soie dentaire. Mm. Ouais. Il y a une enquête récemment qui dit que... en fait, il y a une étude récente qui dit qu'il n'y a pas vraiment de preuves que la soie dentaire fait quelque chose de bon pour vous. Ah, d'accord. Il n'y a pas beaucoup de preuves. Voilà. C'est ce qu'on dit. Mais on peut quand même ignorer cette règle-là et vous enlever les affaires entre les dents quand même. Hein? Quand même. Parce que c'est un peu dégueu sinon. 21 novembre, c'est le Cyber Monday. Tu connais le Cyber Monday? Oui. Qui est le lundi après le Black Friday. Mm-hmm. Mais là, ici, c'est une blague de Cyber Monday, comme dans un site de pommes. C'est l'antidote du Cyber Monday. Une journée qui vous encourage, donc, non pas à faire des affaires et à aller dépenser de l'argent, mais plutôt de savourer une tasse gratuite de cidre. Donc, apparemment, qu'il y a des restaurants qui vous offrent le Cyber Monday. C'est pas mentionné dans l'article lesquels le font. C'est si gentil. Ouais. 30 novembre, c'est la journée de la sécurité informatique. Oh, OK. Pas super amusant, mais peut-être une bonne raison de vous acheter un logiciel de sécurité, pour retenir vos mots de passe et peut-être avoir des mots de passe sécuritaires. Bonne idée. À la OnePassword, LastPass. En passant, pour les gens que ça intéresse, étant donné que j'ai pas vraiment d'autres chroniques ou le dire qui me vient comme ça, je vais sûrement l'oublier, LastPass, qui est rendu gratuit pour l'utilisation sur plusieurs ordinateurs. Oh. Avant, il fallait payer un premium par année, quelques 10-20 $ par année. Maintenant, c'est gratuit, donc sur iPhone, ordinateur, iPad, n'importe quoi, avez le même logiciel LastPass. Et ce que ça fait, c'est que ça vous invente des mots de passe super difficiles à retenir et ça vous les synchronise entre vos appareils pour être beaucoup plus en sécurité. Je vous le conseille énormément. LastPass.com. 30 novembre, c'est la journée où on reste à la maison parce qu'on va bien. On est en forme, on aime ça, on a envie de rester à rien faire. Donc une staycation, comme on appelle en anglais, staycation comme une vacation où tu restes au même endroit. Mm-hmm. Donc c'est le 30 novembre, la journée où on reste à la maison parce qu'on se sent bien. Ensuite, comme on a fini le mois de novembre et c'est fêtes spéciales, on va y aller avec des anniversaires spéciaux maintenant. Donc, 10 fêtes célèbres anniversaires donc, à célébrer au mois de novembre. Commençons par Daniel Boone, qui est né le 2 novembre 1734. Daniel Boone, qui est né en Pennsylvanie, qui est mort dans le Missouri et qui est surtout associé avec l'Ouest américain. C'est un des héros de la... des héros légendaires, voilà, qui viennent de l'histoire américaine. Il y a quelques mythes autour de lui, par exemple, son chapeau de poêle. On le montre souvent avec un chapeau de poêle dans les peintures de lui. Qu'on a fait de lui, voilà. Mais la vérité est qu'il n'a jamais porté de chapeau de poêle. En fait, apparemment qu'il détestait ça. Bon. Mais on le voit dans tout ce qui est les œuvres historiques avec un chapeau de poêle. Ensuite, Marie Curie est née le 7 novembre 1867. Marie Curie, la pionnière des sciences, la pionnière féminine. La première personne et la seule femme de l'histoire à avoir reçu 2 prix Nobel. Encore aujourd'hui, seulement 4 personnes ont réussi ça. Frederick Sanger, Linus Pauling, John Bardeen et Madame Curie. Elle est née en Pologne. Elle a étudié la physique et les mathématiques à Sorbonne, en France, où elle a marié le professeur Pierre Curie. Ensemble, ils ont étudié la radiation, la radioactivité. Et elle a gagné un prix Nobel. En fait, ils ont gagné un prix Nobel ensemble en physique pour leur recherche en 1903. Après la mort de Pierre en 1906, Marie est tombée en amour avec un de ses étudiants qui était un homme marié. Oh. Leurs lettres d'amour ont fuité à la presse et son petit Béguin a défié l'éditeur, le rédacteur en chef du journal à un duel pour défendre l'horreur de Marie... L'honneur de Marie Curie. Défendre l'horreur. Puis je vais la défendre jusqu'à la fin de mes jours. Donc, ça a fait scandale en France. Et Curie a reçu un 2e prix Nobel, celui-là en chimie, pour son travail sur le radium et le polonium. Voilà. Ensuite, Carl Sagan est né le 9 novembre 1934. Ne pas confondre avec le fermier, M. Sagan. Je sais pas si c'était Carl son prénom. Oui, non. Non, c'est Carl Sagan et pas M. Sagan. Carl Sagan, qui était un professeur d'astronomie à l'université Cornell et consultant pour la NASA. Il était connu surtout pour avoir inspiré le public par rapport à l'univers autour de nous. Expliquer tout ça de façon facile à comprendre. Il était auteur de best-sellers. Il a gagné d'ailleurs un Pulitzer pour The Dragons of Eden en 1977. Et sa série télé sur PBS en 1980, Cosmos A Personal Voyage, est toujours parmi les plus populaires et les plus regardées de PBS de toute l'histoire. Sagan voulait certainement communiquer donc l'énormité de l'univers au public, mais il n'a jamais vraiment dit la phrase qu'on lui attribue, Billions and Billions. Cette phrase-là vient de son ami Johnny Carson, qui faisait une imitation de Carl Sagan dans un sketch du Tonight Show en 1980, mais on a évidemment collé ça à M. Sagan. Ça arrive, des imitations qui dépassent la vérité. C'est comme à chaque fois que Donald Trump dit China dans ses affaires maintenant, je prononce ça China parce que Alec Baldwin l'a dit China à SNL récemment. Ça va devenir ça, je pense. It's pronounced China. Ensuite, Grace Kelly est née le 12 novembre 1929. Grace Kelly, qui a été la vedette de 11 films très populaires et plusieurs émissions de télé entre 1950 et 1956. Et dans cette courte période-là, elle a laissé une grande impression sur l'univers de la pop culture américaine. Mais l'actrice a abandonné sa carrière hollywoodienne pour marier le prince Rainier III de Monaco. Ensuite, elle est devenue donc Sa Majesté Sereine, Princesse Grace de Monaco. En anglais, Her Serene Highness Princess Grace of Monaco. J'ai aucune idée si j'ai dit comme fou en français. En 1962, Alfred Hitchcock a réussi à la convaincre de sortir de sa retraite pour filmer le film Marnie. Mais les gens de Monaco n'étaient pas très excités par rapport à cette idée-là. Kelly a rapidement abandonné, citant donc des conflits d'horaire. Elle est morte 2 décennies plus tard après un accident de voiture en France. Alors ensuite, Georgia O'Keeffe, qui est née le 15 novembre 1887. Georgia O'Keeffe, qui était une artiste dès son jeune âge, était connue dans la scène artistique new-yorkaise avant même de devenir obsédée par le Nouveau-Mexique à la fin des années 20. O'Keeffe a déménagé au Nouveau-Mexique en 1949 de façon permanente. Elle a produit plusieurs œuvres d'art focusant sur des fleurs et des paysages dans l'Ouest américain. Elle a même modifié sa voiture, une Ford Model A, pour l'utiliser comme studio de peintre pour pouvoir peindre à l'extérieur sans être exposé au soleil. Le musée Georgia O'Keeffe Museum à Santa Fe, au Nouveau-Mexique, a plus de 240 de ses peintures à l'huile, ses peintures à l'eau et ses sculptures. Ensuite, toujours dans la liste des anniversaires célèbres du mois de novembre, Alan Shepard est né le 18 novembre 1923. Oh. Ouais, c'est un des astronautes... de la NASA, des premiers astronautes, Alan Shepard. Nice suit, en effet, bel habit. Donc, qui est dans l'histoire maintenant comme le premier Américain dans l'espace. Il était dans le vaisseau Freedom 7 à une altitude de 116 000 de distance, donc le 5 mai 1961, dans un habit trempé de pipi. nous dit-on. C'est un détail dans l'article. Le voyage de 15 minutes a été préservé sur vidéo et aujourd'hui, on peut se promener virtuellement avec Shepard 55 ans plus tard. Allez sur assemblagerequis.com pour le lien. Shepard a aussi marché sur la Lune. Il faisait partie de la mission Apollo 14 en 1971. Alan Shepard. Ensuite, George Eliot est né le 22 novembre 1819. L'auteur britannique George Eliot, qui est né sous le nom de Mary Ann Evans, elle a adopté un nom masculin, un nom de plume qu'on appelle, pour que ses travaux soient pris au sérieux. C'était quelque chose qu'on faisait beaucoup à l'ère victorienne, où les femmes auteurs devaient faire seulement, écrire seulement des romans, genre des romans à l'eau de rose, là, si on veut. En plus, Evans voulait que ses efforts littéraires soient séparés de ce qu'elle faisait en tant que rédactrice, éditrice et critique littéraire. Elle a écrit finalement 7 romans en tout, ainsi que de courtes histoires et de la poésie. Entre autres, elle a, écrit Middlemarch et Silas Marner. C'était pas avant la publication de Adam Bede en 1859 qu'elle s'est montrée sous sa vraie identité, après qu'un imposteur ait essayé de prendre le crédit pour ses livres, ses ouvrages. Ça te fait sortir de ton trou pas mal. Ensuite, Charles Schulz est né le 26 novembre 1922. Peut-être que le nom Charles Schulz te dit plus que quelque chose que les autres, non? Pas non. Vraiment, je te dirais. Il a passé 50 ans à dessiner les aventures de Charlie Brown et ses amis dans Peanuts. Donc, c'est ce groupe d'enfants avec leurs pensées d'adultes, leurs conversations qui ont intrigué les lecteurs. Ça avait l'air tellement vrai comme aventure. Charlie Brown lui-même était en fait une réflexion, pas une réflexion, mais un reflet de la vie de M. Schulz, particulièrement son angoisse, ses difficultés avec les femmes, les filles. Schulz n'aurait jamais pris sa retraite si ça n'avait pas été de ses problèmes de santé. Il est mort du cancer du côlon quelques heures avant sa dernière bande dessinée Peanuts dans le numéro du dimanche 13 février 2000. Donc c'est vraiment en 2000 sa dernière bande dessinée. Tristesse. Et quelques heures avant sa mort. Ouais. Ensuite, Sojourner Truth en 1797, un des noms les plus difficiles je pense à dire, Sojourner Truth. En tout cas, bref, né le 26 novembre 1883. Non, en fait, je m'excuse, non, c'est la journée de sa mort, le 26 novembre 1883, mais on la célèbre parmi les anniversaires, les fêtes de naissance. Quoi qu'en français, anniversaire, ça veut pas dire nécessairement la naissance. Non, exact. Alors qu'en anglais, birthday et death day. Bref, elle se battait pour les droits des femmes. Et puis on sait qu'elle est probablement née en 1797 à New York, nommée Isabella Bumfrey. Elle a grandi en parlant Dutch, c'est quoi, c'est hollandais, comme premier langage, comme langue maternelle. Elle s'est échappée de ses propriétaires, elle était noire, donc esclave, en 1826, amenant sa jeune fille avec elle, seulement un an avant que l'État de New York libère les esclaves. Bumfrey a eu 4 autres enfants, et peu de temps après son échappée, elle a appris que son enfant, son fils de 5 ans, avait été vendu illégalement à propriétaire d'esclaves en Alabama. Dans un cas en cours qui a fait l'histoire, elle a poursuivi cet homme-là et elle a gagné. Bumfrey a changé son nom pour Sojourner Truth en 1843 et elle a passé le reste de sa vie à prêcher et à faire campagne pour l'abolition du droit des femmes. Pas l'abolition du droit des femmes. Non. Non, pour le droit des femmes et contre. Ouais, c'est ça. Bref. Ensuite, pour terminer, Mark Twain. Il est né le 30 novembre 1835, l'auteur Samuel Langhorne Clemens, qui a travaillé en tant que pilote de bateau et typesetter, ceux qui placent... typesetter, il me semble que c'est les lettres dans un journal. Il me semble que tu places les lettres au bon endroit pour un journal, il me semble. Vu que c'était à la dactylo back in the day. Voilà, on va juste aller voir le terme, voir s'il y a un mot en français pour ça. Typesetting dans le Wiktionnaire, la composition du texte en arrangeant différentes lettres pour un journal. Exactement ça. Voilà. Et voilà. Donc, aussi, pilote de bateau sur le Mississippi. Il travaillait dans des mines aussi, il était journaliste avant de commencer à écrire des romans sous le nom de Mark Twain. Ses histoires parlant de gens qu'il rencontrait comme ça dans la vie, ça lui a amené la réputation d'être des meilleurs auteurs des États-Unis au début du 20e siècle. On le cite dans plein de situations, il a dit plein de choses mémorables, mais certaines de ses meilleures citations qu'on lui attribue sont en fait sont paraphrasées ou encore mal attribuées. Une chose qu'il a dit par contre, « Never put off till tomorrow what may be done the day after tomorrow just as well. » Donc, ne remettez jamais à demain quelque chose qui pourrait être remis à l'autre lendemain. C'est malade. Ben correct. C'est merveilleux. Ben content de l'apprendre celle-là, je ne savais pas que c'était lui qui avait dit. Ensuite... tiens, on va parler de changement d'heure maintenant. Complètement un sujet différent, pourquoi pas. L'hiver qui arrive, l'heure qui vient de changer en fin de semaine, le matin du 6 novembre, hein, c'est plate. Donc, 6 trucs selon Mental Floss pour aider à passer au travers de ça. Jusqu'au printemps prochain, ça te tente-tu? Commençons par se préparer très rapidement, très tôt. Okay. En général, d'avoir un horaire de sommeil qui est tout le temps constant va t'aider à dormir plus profondément et te réveiller plus facilement. Les experts recommandent que lorsqu'on essaie de s'ajuster à un nouvel horaire, il faut commencer très tranquillement. Il faut se lever 15 minutes plus tôt chaque jour. Tout ça quelques jours avant le changement d'heure. Il faut changer son heure de coucher aussi et son heure de réveil par 15 minutes à la fois. Donc, tu vas te coucher 15 minutes plus tard et tu vas te réveiller 15 minutes plus tard l'automne. Et lorsque le printemps arrive, tu vas aller te coucher et te réveiller un petit peu plus tôt, 15 minutes à la fois. C'est wow. Je suis pas sûr que j'ai besoin d'aller jusque-là. Moi, c'est comme je casse la glace. Ouais, moi avec. Brise le rythme. Ensuite, prendre soin de sa personne. Lorsque l'heure change, ton corps mettons que je l'ai compris ce matin. Okay. Ne s'adapte pas nécessairement immédiatement. Ah, d'accord. Peut-être dans le bidon. Ouais. Hein? Donc, si d'habitude, tu te retrouves à t'endormir vers les 21h, vers les 9h, le 6 novembre, mais il faut écouter ton corps et te coucher exactement à l'heure que ton corps veut que tu te couches. Hein? Selon le CDC, le Center for Disease Control, on dit que le tiers des Américains ne dorment pas assez. Donc, c'est très probable que vous avez besoin de l'heure ou deux de plus de sommeil que vous avez eu en fin de semaine. Si votre problème est que vous n'êtes pas capable de dormir la nuit, vous pourriez repenser à votre nuit, à votre soirée, en fait. Ne pas manger de junk food, ne pas faire d'exercice trop proche de votre heure de sommeil. C'est parfait, ouais. Ça fait, je pense, 33 ans que je remets à plus tard, ouais, l'entraînement. Fait que donc, pas manger de junk food, pas d'entraînement avant de se coucher. Trouver une façon de relaxer, de pas avoir d'appareil électronique, peut-être juste lire un livre ou prendre un bain à la place. Je pense que c'est encore à propos. On est lundi, on est directement le lendemain du changement d'heure. Ça fonctionne encore. Éviter l'alcool et la caféine. OK. Là, c'est surtout lorsqu'on voyage d'une zone horaire, d'un fuseau horaire à un autre. Les experts recommandent de rester loin de l'alcool qui peut affecter votre qualité de sommeil. Mais c'est un peu la même chose, mais à un moins grand niveau pour le changement d'heure. On devrait aussi éviter la caféine dans l'après-midi et la soirée. Ces deux-là vont t'aider à abandonner ça, vont t'aider à mieux dormir, ce qui va t'aider lors d'un changement brusque d'heure ou encore avec les voyages. Ensuite, profiter du lever du soleil. Ah, ben oui. C'est tellement bizarre ce matin, juste à partir de ce matin, on se lève puis il fait soleil. Mm-hmm. Ça fait, et même quand l'émission commence à 7h30, il fait soleil. La semaine passée, 7h30, 8h, il faisait encore noir. Bref, le 6 novembre, le soleil s'est levé environ, là, c'est vraiment un approximatif, vers les 6h30, comparé à 7h30 le jour d'avant. Si vous êtes particulièrement sensible à la lumière matinale, ça peut vouloir dire que vous êtes pris à vous réveiller beaucoup plus tôt que prévu. Voilà, donc vous êtes peut-être pas heureux d'avoir à vous réveiller plus tôt, mais ouvrez vos rideaux, vos stars quand même. Votre corps est fait pour se réveiller en réponse à une lumière naturelle, la lumière du soleil qui produit, qui réduit la production de mélatonine, ce qui vous rend plus alerte. Donc vous devriez embrasser, profiter de ce changement-là et faire quelque chose de productif avec cette heure additionnelle. Et votre nouvel horaire va faire que ça va être plus facile de s'endormir le soir aussi. Ensuite, tantôt, on a parlé de ne pas s'entraîner avant de se coucher, mais là, le numéro 5, le conseil sur les bords, en fait, on dit c'est des conseils pour naviguer un petit peu le changement d'heure, c'est d'aller s'entraîner. Donc, okay. L'exercice peut régulariser l'horloge interne du corps. Donc, lorsqu'on change d'heure, on devrait changer aussi, peut-être pas nécessairement changer, mais donner un petit boost à votre plan d'entraînement. On devrait utiliser l'heure qui s'ajoute au matin de soleil pour aller tout courir un petit peu. Selon une étude de 2011, les gens qui faisaient de l'exercice à 7h du matin passaient 75% plus de temps dans un sommeil profond que les gens qui faisaient des exercices à d'autres moments dans leur étude. L'exercice le matin menait aussi à un niveau de pression sanguine plus bas. Donc, on dit que s'entraîner le matin va aussi vous aider à garder de l'énergie pour la journée au complet, même si votre journée commence à noircir vers les 16h. Ça, c'est la pire affaire. Hein? Oui. Et pour terminer, celui-là, j'en parle tellement souvent. C'est et vrai. Un jour, je vais botter mes fesses. Je l'ai vu sur Amazon en spécial tu récemment. Vas l'acheter. En plus, je vais l'acheter un jour et je vous le conseille aussi. Je connais des gens qui l'ont acheté puis qui ne jurent que par ça, d'utiliser une lumière artificielle. Même pendant les journées les plus courtes, on peut utiliser une lumière artificielle pour s'assurer que son corps soit prêt pour se réveiller et s'endormir au moment approprié. Une étude de 2016 nous apprend que de courts clignotages, flashs de lumière, comme des flashs de caméra pendant le sommeil, peuvent aider à resetter, remettre à zéro le rythme circadien du corps, permettant aux gens de combattre le jet lag, comment t'appelles ça là, quand tu reviens de voyage? Le jet lag. Non, il y a un mot pour ça. Honnêtement, en français, le jet lag. Ben oui. Le mal de l'heure, je sais pas. Je me rappelle pas. Bref, lorsque vous voyagez, c'est la même chose. La recherche est toujours très peu avancée, mais une compagnie vend déjà des masques pour le jet lag. Décalage horaire, Tania. Décalage horaire. Donc, il expose la personne à des petits flashs de lumière pendant son sommeil pour aider avec le décalage horaire. C'était mieux d'utiliser quelque chose d'un petit peu plus facile. Vous pouvez acheter une Lightbox, donc la thérapie par la lumière, qui est établie depuis très longtemps comme traitement contre l'insomnie et le Seasonal Affective Disorder, donc le SAD qu'on appelle le syndrome, le désordre affectif saisonnier, quelque chose comme ça. C'est donc s'asseoir près d'une lampe très, très brillante, une lumière qui imite la lumière naturelle à des heures spécifiques de la journée pour resetter l'horloge interne de votre corps. Il y a même une application qui va vous dire quand votre corps a besoin d'être exposé à de la lumière versus à de la noirceur lorsque vous changez de zone horaire ou que vous ajustez vos lumières. Le modèle que j'ai vu sur Internet, je vais essayer de vous le poster sur la page Facebook si je pense tantôt. Donc voilà pour la liste des choses à faire pour peut-être naviguer à travers le changement d'heure qu'on vient de vivre en fin de semaine. Eh boy, pas facile ça. Non. Pour certains. Pour certains. Moi, à date, ça va très bien. Mais ça, on est la première journée, deuxième journée. Oui, exact. Ouais. On prend une pause. Au retour, on va parler de la Semaine québécoise de l'orientation 2016. Bâtir sa confiance, croire en ses forces. Ça va être super cool tantôt, mais avant ça, on écoute Dutch 16. Tu sais, tantôt, quand j'ai dit qu'on avait entendu de l'anglophone, puis que c'était complètement faux, on n'avait pas entendu de l'anglophone. Non. Je pense que menti, c'est le changement d'air, tu sais. Tout ce qui est anglophone devient francophone. C'est ça. Voici Duchess 16 et I repeat myself. Comme je vivre deux fois la même heure. Exactement. C'est un peu ça le lien. I repeat myself. est assez conséquente avec elle-même. Ouais, je pense qu'elle se répète pas mal souvent. I repeat myself, Duchess says, dans Assemblage requis. Au retour, on parle de la semaine québécoise de l'orientation 2016. C'est Assemblage requis. Restez là. Aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89 Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Vous êtes à Assemblage requis en ce lundi 7 novembre 2016, elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plon. Là, ça fait trois fois que je l'ai dit, ça s'en vient encore après quelque chose d'autre. Mais on oui. parlait de la semaine québécoise et l'orientation 2016, mais avant ça, on avait envie de se renseigner sur ce qui se passe un petit peu partout. Mais exactement. Sur le campus. Donc voici l'Info Campus. Voici maintenant l'Info Campus, présenté par le journal Sur le Campus. Les étudiants du département des arts de l'UQTR tiennent une expo-vente jusqu'au 11 novembre. Les toiles sont disponibles au hall Gilles Boulet. N'hésitez pas à aller encourager nos talentueux étudiants. Le deuxième Startup Weekend Shawinigan se tiendra les 18, 19 et 20 novembre prochains. L'événement aura lieu au DJ Hub de Shawinigan et c'est l'occasion idéale de développer votre âme d'entrepreneur. Des mentors seront sur place pour guider les participants et pour s'inscrire, il faut aller sur Eventbrite et chercher Startup Weekend Shawinigan 18, 19 et 20 novembre 2016. Tu étudies à l'UQTR? Tu désires t'impliquer? Le poste à la vice-présidence aux affaires académiques de premier cycle de l'AGE-UQTR est pour toi. Pour postuler, il faut remettre une lettre de présentation, un curriculum vitae et le formulaire disponible sur place. La date limite pour soumettre la candidature est le vendredi 18 novembre à 17h. L'élection du poste se fera le dimanche 20 novembre lors du CA de la GE-UQTR. Pour se procurer le formulaire et remettre les documents, il faut aller au local 1022 ou 1023 du pavillon de la vie étudiante. Tous les mercredis entre 11h30 et 13h30, une soupe partage est offerte gratuitement pour les étudiants de l'UQTR. Le prix est de 2$ pour les membres du personnel et l'événement a lieu au local 029 du pavillon Suzard Côté. Tous les profits seront distribués à la communauté. C'était votre capsule Info Campus. Pour d'autres nouvelles, lisez Zone Campus et visitez zonecampus.ca. Le Zone Campus qui est écrit par David Ferron, le rédacteur en chef du journal Zone Campus, lu par Tania Baudin. Ici présente. Bon matin. Présent. Présent. On fait l'Info Campus deux fois par jour à Assemblage requis, ensuite une fois sur l'heure du midi, et puis nouvellement à 18h en début de soirée. Donc soyez-y, une nouvelle capsule vous attend tous les lundis matin. Mm-hmm. Maintenant, ben, comme on l'a dit tantôt, comme on l'a dit plusieurs fois, je me répétais sans cesse, qu'on avait parlé de la semaine québécoise de l'orientation 2016 avec Caroline Lajoie, qui est conseillère d'orientation. Bonjour à toi, Caroline. Bonjour à vous deux. Bienvenue dans nos nouveaux studios depuis la dernière fois que t'es venue. Mais oui. On me dit qu'en 2011, t'es venue. Oui, oui, c'est ça. Ça remonte à 5 ans déjà. Je me rappelle pas de ce que j'ai fait la semaine passée. Donc, la semaine québécoise de l'orientation 2016 qui va avoir lieu, probablement, c'est quand? C'est toute la semaine. Cette semaine-là. Oui, c'est cette semaine actuellement. C'est commencé hier jusqu'au 12. Okay. Et nous, bien, avec le thème qu'il y avait cette année, on trouvait que c'était intéressant. Puis on s'est dit, on va vraiment mousser cette semaine-là en allant faire quelques activités toute la semaine, puisque le thème est « Bâtir sa confiance, croire en ses forces ouais. ». Dans le contexte actuel ici à l'université, des étudiants, de tout le travail qui se fait ici, on se disait, bien, ça serait vraiment intéressant d'aller travailler sur ce point-là. Donc, se montrer un petit peu plus, sortir de nos bureaux. Vous êtes habitués. Les étudiants sont habitués de venir nous voir dans nos bureaux. C'est vrai. En rencontre individuelle. Mais là, cette semaine, vous allez nous voir un petit peu plus toute la semaine. Ouais. Donc, tu as dit bâtir sa confiance, croire en ses forces. Confiance en soi, c'est quelque chose d'important pour trouver un emploi. Je pense que c'est le but de la chose. Effectivement. À la base. Donc, l'objectif de l'orientation en général... C'est différentes raisons qui amènent les étudiants à venir nous rencontrer. Entre autres, quand on débute un programme, il y a une idée des fois de commencer par un bac, mais éventuellement, mm-hmm. on veut aller au cycle supérieur, donc on vient nous voir pour chercher de l'information là-dessus. Ou c'est pas tout à fait le programme qu'on avait pensé, ou nous, on doute de nos capacités, de nos forces, justement. Donc, il y a un questionnement qui se passe. Il y a des étudiants qui viennent nous voir pour réfléchir un petit peu plus aussi à leur identité. Je suis qui, moi, là, quand j'arrive après avoir fait différentes expériences professionnelles ou de travail étudiant ou à travers les études aussi, bien, la confiance, l'identité, tout ça se bâtit au fur et à mesure. Donc, on vient rencontrer un conseiller d'orientation pour clarifier, entre autres, ces éléments-là. Quant aussi, il y a des stages qui s'en viennent. Il y en a oui. qui veulent réfléchir dans quel secteur je vais aller faire les emplois d'été aussi, vers quel secteur je... Parce que c'est important d'aller chercher différentes expériences tout au long du cursus universitaire. Donc, quand les étudiants étudiants peuvent aller chercher ces expériences-là, mais ils ne sont pas toujours au clair de vers quoi je vais aller, qu'est-ce qui se présente à moi. Donc, ils viennent nous voir pour nous aider à réfléchir à tout ça aussi. C'est ça, parce que vous n'êtes pas là pour leur mettre une réponse nécessairement dans la tête tout de suite et juste dire « tu devrais être ça », mais c'est de vous montrer qu'est-ce qui existe. Tout à fait. Pour vous faire réfléchir à qu'est-ce que t'aimes dans la vie, qu'est-ce que tu pourrais avoir envie de faire. Je me rappelle d'avoir vu un orienteur dans ma vie qui m'a... une orienteure, hein, qui m'a fait amener à faire de la radio parce que j'aurais jamais pensé à ça avant. Ah oui! Fait que ça prend ça des fois dans la vie, quelqu'un qui te dit « ça, ça existe, tu pourrais faire ça si tu y mettais ». Tout à fait. Donc, le but de cette semaine-là, c'est de conscientiser à l'orientation en général. Vous avez plusieurs activités qui s'en viennent. Effectivement. Donc, aujourd'hui, bien sûr, on a la chronique radio. On a un kiosque d'information qui s'en vient mercredi. Qu'est-ce que ça va être, ce kiosque-là? Bien, on va être dans le corridor maintenant au service aux étudiants, là, devant la murale. Et puis, on va être là, présentes, les trois conseillères à tour de rôle ou ensemble par petits bouts, pour pouvoir répondre à des informations générales, des questions que les gens ont, comme ce week-end, c'était les portes ouvertes de l'UQTR. Il y avait une conseillère qui était là. Donc là, on va être là pour nos étudiants. C'était pour l'ensemble de la communauté, mais là, ça va être pour les étudiants. S'il y a des petites questions, si vous voulez savoir aussi des choses reliées au marché du travail, on va vous pointer, c'est ça, vers des informations générales. C'est sûr que ce ne sera pas une démarche d'orientation, mais ça va vous donner, c'est ça, des bouts d'informations. On va pouvoir vous donner aussi des informations concernant tout ce qui se passe dans le reste de la semaine. Donc, s'il y a les gens veulent savoir un petit peu plus qu'est-ce que sera notre conférence. Puis, il y a notre concours Facebook aussi que j'invite tout le monde sur le Facebook du service aux étudiants. En allant nommer une de vos forces, vous courez la chance de gagner un chèque cadeau de la Coopsco de 250 $. Oh, quand même! Et quand on va avoir notre conférence ce jeudi de 12h30 à 14h au local 3603 du pavillon de la chiropratique, il y aura là aussi prix de présence, dont un autre chèque cadeau de 250 $ à gagner. Ça, c'est le concours qui est sur la page facebook.com/uqtr.services aux étudiants. C'est bien ça. C'est ça. Dans une pub, on l'aurait dit au pluriel. Mais ici, je dis services aux étudiants. C'est ça. Tu l'as dit que la conférence avait lieu jeudi, oui. 12h30 à 14h, pavillon de la chiropratique, local 3603. Conférence par qui? Conférence par ma collègue Martine Trudel et moi. Marie-Josée Marion sera présente pour accueillir aussi, mais la conférence, c'est Martine et moi qui va l'offrir. C'est une conférence qui est montée par l'Ordre des conseillers d'orientation parce que c'est la 12e édition de cette semaine-là. Et chaque année, il y a un conseiller d'orientation qui est mandaté pour monter une conférence qui va être offerte grand public. Là, c'est pas juste ici. Partout à travers le Québec, c'est accessible. Et nous, on l'a ajusté avec les besoin des étudiants ici. Donc, c'est là-dessus. Le but de l'atelier, c'est d'explorer le sentiment d'efficacité personnelle, ouais, qui est dans le fond un puissant moteur là, quand on a besoin d'agir et pour réaliser ce qu'on veut faire. Donc, c'est à travers ça qu'on va regarder ensemble, on va réfléchir. Ça va être l'occasion de se pencher sur notre confiance en nous, nos capacités d'agir face à diverses occasions dans notre vie ou au travail. Oui. Ça, c'est la conférence qui est jeudi, encore une fois, 3603 pavillon de la Chiro à 12h30. Si on veut vous voir ailleurs... Oui, cette semaine! N'importe quand, en fait! N'importe quoi! Ouais. Du lundi au vendredi, au service aux étudiants, de 8h30 à 17h, nous sommes là, trois conseillères d'orientation, comme je nommais tout à l'heure, Martine Trudel, Marie-Josée Marion et moi-même. Quand vous entrez au service aux étudiants, il y a le superbe accueil de tous les gens qui sont là, dont Nancy Miro, notre adjointe, qui va vous donner un rendez-vous. Le rendez-vous, parce que c'est en individuel que nos rencontres ont lieu. Mais il y a d'autres moments aussi où vous pouvez nous voir quand on est invité, entre autres, par certains départements qui veulent avoir de nos services. Donc, s'il y en a d'autres qui sont intéressés, faites-nous signe, ça nous fera plaisir quand on peut aller répondre à un besoin particulier sur parfois quelles sont les perspectives après un baccalauréat, quelles sont les perspectives pour les emplois étudiants aussi. Et il y a parfois des séminaires aussi d'identité professionnelle. Il y a des départements qui organisent ça et qui demandent parfois notre collaboration. Donc, c'est à ces autres lieux-là où vous pouvez nous voir. Mais du lundi au vendredi, en rencontre individuelle gratuite pour la première rencontre. C'est une rencontre d'une heure et il y a des rencontres subséquentes si besoin, dépendamment toujours de chacun. Quand c'est plus d'informations scolaires et professionnelles, une seule rencontre va suffire. Ouais. Mais lorsque c'est une réflexion d'orientation, quand je suis pas certaine de ce que je vais faire ou que je veux voir la suite des choses pour moi, c'est plus de l'ordre d'une démarche d'orientation. Donc, quelques rencontres. Il faut différencier entre, j'imagine, ceux qui sont dans une branche d'études et qui veulent changer de branche d'études. C'est pas nécessairement au service. Est-ce que c'est au service d'orientation qu'on va voir ça? ça? Oui, aussi. Mais parfois, c'est pas nous qui avons les réponses, parce que quand vous voulez savoir si les cours que vous avez faits dans un vont être crédités dans l'autre, c'est plus les départements qui vont pouvoir vous dire qu'est-ce qui est crédité ou pas. Mais nous, on vous dirige vers les bonnes ressources. Comme au service aux étudiants, j'ai plusieurs collègues, pas juste en orientation, mais tous les autres services, que ce soit de psychologie, d'aide à l'emploi, pour les étudiants aussi à besoins particuliers qui, pour leurs études, ont besoin de conditions pour les aider à réussir. Dans le fond, c'est le but de tout le monde au service aux étudiants, c'est de faciliter le passage des étudiants, qu'ils réussissent du mieux possible et qu'il y ait une vie agréable tout au long de leur cursus aussi. Donc, c'est vraiment la mission de l'ensemble des services aux étudiants. Bien Donc, on réfère vers d'autres services quand c'est pas les nôtres. Ouais. Pour ceux qui cherchent, là, pour ceux qui se demandent encore, c'est où les services aux étudiants, c'est là où il y avait le baie vitrée avant, le local vitré s'est rendu un mur avec des géants dessus. Oui, exactement. Les gens sont pas grandeur nature de même. Sont de taille normale. Ça, c'est exact. C'est ça. Donc, juste au bout du corridor 1275 à côté de la Coop Sco, vous allez nous trouver là. C'est mieux dit comme ça. donc, comme vous faites partie des SAE, le site Internet du service d'orientation est sur le site du SAE, si je comprends bien. Oui, tout à fait. Donc, on cherchait sur le site de UQTR. La page Facebook, tu l'as dit tantôt, c'était UQTR Service aux étudiants. Orientation.qc.ca pour la semaine de l'orientation. C'est beaucoup de liens, mais ils sont tous sur la page Facebook de toute façon. Donc, on rappelle les activités. À part aujourd'hui, la chronique radio, il y a le kiosque d'information qui est mercredi. Demain, en tant que tel, c'est une journée qui est représentative de la semaine au complet. Il n'y a pas de rien de spécifique. Oui, mes collègues vont au campus de Drummondville. Ah, OK. Oh, oui. Ah, c'est pas dit. Ben, campus de Drummondville. On visite nos voisins. Ben oui, ceux qui veulent étudier dans des branches, j'imagine, qui sont offertes là-bas. Oui, mais nos étudiants aussi sur place, mais on va leur offrir notre présence, puis rencontrer aussi en rencontre individuelle certaines personnes. La journée avait été planifiée pour leur offrir des services à eux aussi. C'est pas assez important pour la pub, mais... Oui, c'est ça. Eux, ils reçoivent quoi? Est-ce qu'ils ont la conférence aussi demain? Non, ils n'ont pas la conférence, par exemple. Oui, c'est ça, ils doivent se déplacer. C'est pas si loin que ça non plus. Non. Donc, mardi à Drummondville, mercredi, c'est à 10h jusqu'à 15h30, donc une bonne partie de la journée dans le corridor de SAE. Oui. Ensuite, la conférence le jeudi matin, midi vers 12h30, jusqu'à 14h au pavillon de la Quiro, local 3603. Et on rappelle le concours aussi, qu'il faut nommer une de tes forces. C'est ça. Et lors de la conférence, il y aura prix de présence et un autre chèque cadeau de 250 $. Génial. facebook.com/uqtr.services aux étudiants. on te remercie, Caroline Lajoie. Tu repasses quand tu veux. Parfait. Merci à vous deux. Bonne semaine de l'orientation, tout le monde. Yeah. Merci. Bye. On écoute, parlant de se trouver soi-même, on va écouter Charles D. Wilson et la pièce Find You à Assemblage Rocky. Five o'clock. Charlotte Day Wilson et Find You. Juste avant la chronique, tantôt, le petit segment avec Caroline, on était en plein milieu de son foutu palmarès, donc oui. Retournons-y. Son foutu palmarès, c'est toujours la chronique dans laquelle on établit une liste sur un sujet plus ou moins précis. On est rendu à une liste de 15 mots. Ça va être une chronique très, très anglophone, soit dit en passant. Une liste de 15 mots reliés aux barbes et aux moustaches. Oh. J'aime bien ça parler de vocabulaire, surtout en anglais. Alors, c'est Movember, bien sûr, le moment de l'année où tout le monde sort la moustache, mais ouais. Pas nécessairement, c'est rendu de nos jours tellement tout le monde, pas tout le monde, beaucoup de gens portent la barbe vient oui. Absolument qu'une moustache. Exactement. On n'a pas à s'en faire avec ça, puis c'est pas mal moins déplaisant visuellement. Hein? Commençons par, en anglais, barbatulous et beardlet. OK. Donc, le terme barbatulous, qui est relatif de la même famille que barbier, ça a l'air de barbare quand on y ouais. Pense, barbatulous, mais ça décrit une qualité qui, traditionnellement, n'irait pas très bien avec les barbiers, c'est-à-dire avoir une toute petite mince barbe. Ooh. Une barbe molle. Une petite barbe molle. Le terme date au moins des années 1600, et depuis le début des années 90, les beardologists appelle les petites barbes des beardlets. Le dictionnaire anglais Oxford montre un exemple en 1928 dans le Daily Express qui parlait de « The beardlet adorning the underlip of Lord Bertie of Thame ». Donc, la petite barbelette qui adorne, comment dire, ouais, je sais pas comment on pourrait dire ça. Je sais pas non plus. Rend jolie la sous-lèvre du Lord Bertie oui, of Thame. Ensuite, imberbe. Bon, ça, on connaît quand même. Imberbe, c'est d'être totalement sans barbe. Mm-hmm. Une face, une peau de bébé. Un mot qui est apparu au début des années 1600. Ensuite, cat smellers. Oh. Étant donné que les chats utilisent leur moustache pour se promener, pour se sentir dans leur environnement, certains appellent ça des moustaches whiskers. Quand on parle d'une moustache humaine, on appelle ça des fois whiskers, comme une moustache de chat. Et donc, cat smellers va avec. C'est un terme qui est né dans le milieu des années 1800 et qui mériterait peut-être de revenir. Ensuite, taz. Okay. Un mot qui nous fait penser, bien sûr, au diable de Tasmanie. Mm-hmm. C'est une variation de mots plus communs comme tache et stache, qui sont souvent des abréviations de moustache. Dans Green's Dictionary of Slang, Taz est un mot assez versatile pour non seulement dire moustache, vouloir dire moustache, mais aussi une barbe ou encore les petits poils d'un enfant, donc les petits poils de bébé. Okay. Sur les... comme une pêche. Un petit poil de pêche. Un petit poil de pêche. Ensuite, face fungus, face lace, face fur et face prickle. Donc, les poils sur la face, sur le visage, sont comme à la mode en ce moment. Mm-hmm. Des fois, au début des années 1900, on utilisait le mot face fungus. C'était moins à la mode d'avoir une barbe. Donc, face fungus, comme les champignons et la petite mousse verte sur les arbres. Donc, c'était pas un super beau terme. On peut utiliser ça aussi comme insulte, comme « Hey, face fungus » en anglais. Une version plus gentille, ça pourrait être « face lace », donc une fourrure de visage. De visage. Ou « face prickle », comme dans les trucs qui piquent sur la face. Ensuite, « face fins ». Un autre terme par rapport à la moustache, vu pour la première fois au début des années 80, c'est un terme qui parle donc d'une moustache monstrueuse qui fait protrusion. Qui serait vu comme sur un hipster contemporain okay, ou sur un vilain des années 20 dans un film. Alors, face fins qui amène la moustache à son extrême extravagance. Ensuite, toujours dans le palmarès des mots obscurs anglophones ayant rapport aux barbes et aux moustaches, topiarize. C'est relié au mot topiary, donc un mot pas super utilisé quand même, mais qui fait référence à couper la barbe ou la moustache d'une façon qui serait considérée artistique, fancy schmancy, artsy fartsy, comme on dit. Donc, dans Word Spy de Paul McFedries, c'est un site web qui parle de la première utilisation dans un article de 1993 dans The Independent pour décrire Sean Connery. His beard topiarized to silvery point. Buns bondishly with snipes. C'est super joli comme phrase en anglais, donc on pourrait dire que sa barbe topiarise jusqu'à ce qu'elle soit argentée. C'était pas mal ça que ça voulait dire. McFedries parle aussi d'une variation par Douglas Walker en 2015, sur Twitter. Auto-topiarizing your beard is difficult for the partially sighted man. Donc, auto-topiariser sa barbe est difficile pour une personne ou un homme qui a une vue réduite. Évidemment, topiarize, comme on a dit, ça voulait dire couper ses poils de façon artistique. Ensuite, beardy, weirdy, une phrase, une expression qui rime, qui existe depuis les années 1960 au moins, selon, encore une fois, GDOS, dont on parlait tantôt. Ça, c'était... le Green's Dictionary of Slang. Voilà. À l'origine, ça faisait référence à quelqu'un qui avait une tête d'œuf. Quelqu'un qui lit beaucoup. Un rat de laboratoire. Comment t'as dit? Oui, j'ai dit A. Ah, ben ouais, c'est ça. Ensuite, Just As I Feared, Jonathan Green suggère cet exemple de rime, encore une fois, qui arrive de 1846 par Edward Lear, par un poème de Edward Lear, qui disait « There was an old man with a beard », donc il y avait un vieil homme avec une barbe, who said « It is just as I feared », qui a dit, exactement comme je le craignais, « Two owls and a hen », donc ça c'est deux hiboux et une... pas une poule, genre... Bref, un animal de la famille des volailles. Four larks and a wren have all built their nest in my beard. Ont tous construit leur nid dans ma barbe. Les animaux ont construit un nid dans la barbe parce que la barbe était très grosse. Et pour terminer, pogonotomy et pogonotrophy. C'est des termes qui mélangent le grec et l'anglais et malgré leur son très fancy, ont une définition assez simple. Pogonotomy fait référence au fait de se raser. Alors que pogonotrophie est le contraire, c'est de permettre à une barbe de prendre toute la place sur son visage. Une utilisation en 1996 par le Daily Mail montre que le public peut-être peut changer pas mal par rapport au poil sur les visages. Donc la photo de cette semaine de Beatle, George Harrison, portant une moustache et une moustache assez triste, a pris les étudiants de la pornographie. Je connais pas cette expression-là. « Cut students of pornography to the world over in two minds. » Ah, tiens, voilà. Donc, la vie est partagée. Ah! Voilà. « In two minds », comme dans deux opinions différentes. Ouais, c'est ça. Ils avaient montré dans le Daily Mail une photo de George Harrison qui portait une moustache molle. Et ça partageait les gens dans leur avis. Est-ce que c'est beau ou est-ce que c'est vraiment laid? En effet. Donc, ça s'appelle « Pogonotrophie » pour faire pousser sa barbe et « Pogonotomie » pour se raser. On est arrivé à la fin de ce foutu palmarès sur les moustaches et les barbes. Allez voir le lien sur assemblagerequis.com et tous les autres liens de la chronique d'aujourd'hui. Et nous, ça va être assez pour cette émission d'Assemblage Requis. On va se retrouver demain. Sinon, pour aujourd'hui, on remercie quand même Caroline Lavoie ou Lajoie. J'ai déjà fermé mon courriel. Caroline Lajoie, conseillère d'orientation du service aux étudiants. C'est encore une fois facebook.com/EQTR.serviceaux-étudiants. Voilà, pour l'adresse pour le concours. Merci à Valérie Deschamps. Merci à toi, Mathieu Blanc. Merci à toi, Tania Baudin. Merci à vous d'avoir écouté. Merci à la communauté universitaire de nous endurer tous les matins entre 6h30 et 9h30. On sera de retour demain à cette même case horaire. Mardi, on aura la collègue du Zone Campus avec David Ferron à 8h30. Et la présence de Philippe Compagnon qui va être là pour nous parler du Startup Weekend chez Winigan. Ça, c'est demain à 9h dans la même lignée qu'aujourd'hui. C'est une grosse semaine pour les invités spéciaux. Son zone plus tard aujourd'hui à 9h30 dans quelques instants, ce sera C'est fou le sexe. Ensuite à 11h, la sortie de secours est à votre gauche. Émission d'actualité avec Lucas Hébert et Sébastien Evgartin. Et à midi, rock classique avec Alain Lefebvre et le docteur Pendragon. Puis plus tard à 20h, c'est rock de neurones. Voilà, c'est tout. On se dit au revoir. On s'en va boire du café. Café. Café. À demain. Bye, bon café. de part. Ces mondes m'appellent.